l'index sur la détente et tout le monde saute. Depuis que je rappe des jaloux, donc je repasse en glock. Je sors à peine de chez moi, contrôle devant le bloc. Tout n'a les no moments. J'suis posé dans le jet, c'était 36 degrés, le soleil est à plat d'air. J'suis sur un compète, range ton iPhone 7, tu passes à la villette. Laissez-moi faire mes bails, maman t'inquiète, j't'emmène loin dès que j'fais du bail. Torse nu avec un chapeau de paille, YouTube ça paye pas deux ans, j'ai pas de paye. Si j'prends tous tes sous, la hagra ça paye. Donne la ce fort maintenant, attends pas que ça pète. Je me souffre maintenant et ton plat ça pète. J'suis posé dans le bex, à toutes les saisons, j'suis là, j'fais pas la fête. J'suis ravi dans le texte, j'me vois ça l'inverse, j'me fais mal à la tête. J'suis posé dans le bex, à toutes les saisons, j'suis là, j'fais pas la fête. J'suis ravi dans le texte, j'me vois ça l'inverse, j'me fais mal à la tête. J'suis dans le cartelito, ah, j'suis dans le cartelito, ah, j'suis retard mon rito, bah ouais. Dans mon cartelito, bah ouais. J'suis dans le cartelito, ah, j'suis dans le cartelito. J'suis retard mon rito, dans mon cartelito. J'ai pas le temps de penser à toi, j'vais direct au studio quand j'fais des maps et sort. Sur Insta j'te laisse tes tabler là, tu serais pas pour ton buzz, moi tu sais que m'emballer. Le shit est bien emballé, dans 10 ans j'sais pas où j'serai. Mais bon j'suis grave serein, maman t'en fais pas, la musique c'est sérieux. T'as changé ta série, tu ça pour des fesses ou bien pour un billet. Plus de sous pour m'habiller, pas beau pas les couches, marche le survêt troué. Tu sais où me trouver, j'fais pas la mala, moi j'ai rien à prouver. J'sais pas si j'vais percer, que certes que le million de vues dans la rue t'es personne. J'suis posé dans le pen, à toutes les saisons, j'suis là, j'fais pas la fête. J'suis ravi dans le check, si j'me resserre un verre, tu me fais mal à la tête. J'suis posé dans le pen, à toutes les saisons, j'suis là, j'fais pas la fête. J'suis ravi dans le check, si j'me resserre un verre, tu me fais mal à la tête. J'suis dans le cartelito, ah, j'suis dans le cartelito, ah, j'suis roi d'un mojito, bah ouais. Dans mon cartelito, bah ouais. J'suis dans le cartelito, ah, j'suis dans le cartelito, ah, j'suis roi d'un mojito, bah ouais. Dans mon cartelito, bah ouais. Just love mon pote.